conscience. J'ai rêvé qu'ils arrêtent de casser, de saloper notre planète. J'ai rêvé l'abolition de l'argent, l'écroulement de la bourse. J'ai rêvé plus de mensonges, plus de trafic, de bêtises, de sottises. Chambre sur le lit, une jolie blondinette. J'ai rêvé être étoile des ados, une star de MC Solar. J'ai rêvé jouer le rôle du gentil dans un film de Spielberg.